One, two, three, five. Génération 60, le son des 60s. Salut, c'est Mike Lécuyer. En été 1959, l'émission Salut les copains révolutionna la radio, surtout pour les jeunes. Daniel Filipacchi et Franck Thénault avaient créé cette émission. Eux, ils venaient du jazz. Les premiers indicatifs, c'était Count Basie. Et puis ensuite, il y a eu les Marquises, avant qu'Eddie Vartan n'en fasse une version spécialement adaptée pour l'émission Salut les copains. Voici les Marquises. The Last Night, que de souvenirs. Toujours en 1961, voici Vince Taylor, Mean Woman Blues. C'est un artiste qui avait été récupéré par Eddie Barclay pour essayer de concurrencer les artistes américains comme Elvis Presley, mais il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, tout habillé de cuir noir, même ses gants, sa chevelure, sa crinière noire. Je me rappelle, dans une émission de télé, il chantait sur un billard, tel un félin. Vince Taylor, Mean Woman Blues. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost as mean as me. Well, now black cat up, died of fright, because she crossed my path last night. I got a woman mean as she can be. Woo, yeah. Sometimes I think she's almost as mean as me. Well, she makes love without a smile. Oh, don't she drives me wild. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost as mean as me. Tell me about a mean woman. Yeah. Thank you. so hard, she bruised my lips. So good, my heart took flips. I got a woman mean as she can be. Yeah. Oh, sometimes I think she's almost mean as me. Let's get real on now. Well, I got a woman. Oh, she's some woman. Yeah. Oh, yeah. Sometimes I think she's almost as mean as me. Let's do it easy now. Well, I got a woman. Oh, she's really, really a woman. She knows just how to be a woman. Oh, she's so mean, yeah. Sometimes I think she's almost mean as me. Here we go now. Well, now I got a woman mean as she can be. Ce Mean Woman Blues est devenu en français Ma petite amie est vache par les Chats Sauvages, toujours en 1961. Et à noter que Benoît Blueboy, sur son dernier album, en a fait une version assez sympathique. Et là, ce sont les Chats Sauvages. Ma petite amie est vache. Ma petite amie est vache, je vous dis que ça. Ma petite amie est vache, je vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah oui, un gros chat noir, elle est morte de peur, tuée par ses yeux de malheur. Oh, ma petite amie est vache, je vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah ouais, toujours ses petites mains, sans le vouloir, on fait un œil au bal de noir. Oh, ma petite amie est vache, je vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Les soirs, elle voit comme un trou, et tout d'un coup, elle casse tout. Oh, ma petite amie, eh ben, je vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Un seul voyou, en me laissant seul et sans un sou. Oh, ma petite amie, eh ben, je vous dis que ça. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Ah ouais, au fond, elle est presque aussi vache que moi. Au fond, elle est presque aussi vache que moi. Aux États-Unis, Ray Charles a du succès avec Hit the Road Jack en 1961. Il grimpe jusqu'au numéro 1 dans les charts. Et même si ce n'est pas une de ses compositions, c'est quand même à tout jamais associé à son nom. Ray Charles, Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be